essayez d'aller le gagner. Prenez vite votre voiture et ouvrez la bouche, il est chaud. J'ai appelé mon chef, j'ai oublié de saluer mon métier.